Chapitre 16e. Sauvez-moi. Un homme à longue barbe hirsute, grise, la chevelure embroussaillée, une casquette de drap enfoncée sur la tête, depuis un moment était entré dans la pièce. Trop affairés, les acteurs de cette scène ne l'avaient pas vu entrer. Il se tenait là, regardant, et il n'eut qu'un pas à faire pour arrêter le bâton. Alors il se plaça entre Chiffon, encore à genoux, tremblante, en larmes, et bouche en cœur, abasourdi par cette apparition. D'où sort-il celui-là ? Se demanda la belle Bourbonnaise, inquiète, en examinant cet homme, cherchant à savoir qui il pouvait être. Bouche en cœur se remit de sa surprise. L'intrus n'avait ni uniforme ni plaque de cuivre au bras. Ce n'était ni un garde-chasse ni un garde-champêtre, mais probablement un cheminot. Bouche en cœur respira. « De quoi te mêles-tu » demanda-t-il en se redressant. « Je n'aime pas qu'on frappe les enfants, » répondit l'homme. « Alors c'est sur toi que je vais cogner. Viens-y donc, » fit l'homme qui brandissait aussi un énorme gourdin. Chiffon, pendant ce temps, s'est élevé. Elle alla cet homme. « Oh, monsieur, il fallait me laisser battre. Moi, je suis habitué au coup, mais vous, il va vous faire du mal. »« Rassure-toi, mon enfant, » dit l'homme. « Il n'en fera rien. » Et s'adressant au banquiste. « Allons !» « Bah, le bâton, c'est fini, on ne se bat pas entre nous. »« Qui t'a donné le droit d'entrer chez moi ?» fit Bouche en cœur, le prenant de haut. « C'est chez toi ici, cette ferme abandonnée. C'est chez toi, la tilleuse. » À ce nom, le banquiste tressaillit. Mais la belle Bourbonnaise intervint à point. « Du moment que c'est une ferme abandonnée, elle est à qui l'occupe. Comme nous y étions avant vous, elle est à nous, à vous. Elle n'est pas à toi ?» demanda le banquiste. « Non, je n'ai rien, moi, sur terre. » « Tu ne viens pas réclamer ton palais. Alors qu'est-ce que tu veux ? J'étais dans le bois. Par ce temps, j'y suis par tous les temps. Le bois, c'est ma maison. Mais il fait très froid. J'ai vu de la fumée. Je suis venu te demander que tu me laisses me chauffer un peu à ton feu. Je suis gelé. Que tu me donnes du pain, si tu en as. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas de quoi faire l'aumône à tous les gens qui passent. Il ne doit passer personne dans cette forêt, par ce temps. D'ailleurs, je te paierai ce que tu me donneras. Je ne te demande pas l'aumône, j'ai encore quelques sous que je gardais pour mon tabac. » Bouche en cœur aurait peut-être congédié cet homme, mais la belle Bourbonnaise intervint. « Allons, c'est bon, vous aurez aussi de notre ordinaire. C'est peut-être pas très raffiné, mais ce sera chaud. Merci, madame. » La belle Bourbonnaise était revenue à son fourneau de trois pierres. « Quand je dis que ce sera chaud, » fit-elle en soulevant le couvercle de la marmite, « c'est une façon de parler. La soupe est à moitié cuite et je n'ai plus de bois. » Bouche en cœur s'écria. « Plus de bois ? Hé, Chiffon ! Au lieu de regarder comme ça notre invité, cours chercher du bois !»« Dans la forêt ?» fit avec effroi l'enfant. « Parbleu, pas sur ma tête !»« Il y a bien de la neige pour faire sortir ce gamin-là, » fit observer l'homme. « T'occupe pas de nos affaires !» fit l'illustre Perpignan. « On veut bien te recevoir ici. Ne te mêle pas du reste, ça vaudra mieux. » Il prit Chiffon par l'épaule et la conduisit jusqu'à la porte. « Allons !» « Tu ne perdras pas l'équilibre cette fois, je suppose. »« J'ai bien froid, » dit l'enfant. « Cours, ça te réchauffera. » Il ouvrit la porte et poussa Chiffon dehors comme on y jetterait un chien. Puis revenant. « Si on écoutait cet enfant, il faudra le mettre dans du coton. »« Eh bien, il en aura dehors du coton, naturel, du frais. » L'homme dit encore. « Vous l'élevez durement, ce gamin-là. On voit que ce n'est pas votre enfant. » La belle Bourbonnaise et son époux tressaillirent. Mais Bouche en cœur répliqua à l'homme. Je t'ai déjà dit de ne pas regarder ici ce qui ne te regarde pas. » Mais Élie, qui ne laissait jamais passer une occasion ou un prétexte de boire, apporta trois verres sur la table et la bouteille d'eau-de-vie. « Voilà, offre donc une goutte en attendant la soupe. » On approcha les chaises de la table. « Tiens, » fit Bouche en cœur, « je t'offre une goutte, mais tu as dit que tu paierais. » « C'est entendu. » Pendant que les deux hommes choquaient leurs verres, ils se trouvèrent plus rapprochés, et malgré la pénombre, ils purent se dévisager. Alors tous deux s'arrêtèrent surpris. « Ah !» dit Bouche en cœur, « c'est curieux, mais ta figure n'est pas inconnue. La tienne non plus, à moi. » On s'est vu certainement quelque part, c'est à croire. Tout en buvant leur eau-de-vie, silencieux maintenant, les deux hommes se regardaient, cherchant à rappeler, à rattacher leurs souvenirs. Tout à coup, Chiffon parut, interrompant cette scène, troublant les deux hommes dans leur effort de mémoire. Chiffon était toute couverte de neige, elle grelottait, claquait des dents et des genoux, et ne rapportait que quelques brindilles de bois. Bouche en cœur, en apercevant la maigre récolte de l'enfant, se leva furieux. « Comment, c'est tout ce que tu rapportes ?»« Je n'ai pas pu en prendre davantage, » dit l'enfant. « Je ne peux pas casser la glace des branches, ni chercher sous la neige. J'ai les mains comme gelées, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Nous voilà bien. Tu n'es donc bon à rien, à rien. Tu ne veux pas travailler, nous aider. Cependant, ramasser du bois n'est pas difficile. C'est que tu ne veux pas, tu ne veux rien faire. Ah, tonnerre! Bouchancœur leva la main pour battre Chiffon, mais l'homme à la casquette s'interposa vivant. Allons, ne bats pas cet enfant. Ah ça, mais je suis maître ici, hurla le banquiste. Oui, mais je t'ai dit que je n'aime pas combattre les enfants. La belle bourbonnaise intervint encore. Allons, allons, pas de dispute ici. Je suis le maître chez moi. Oui, c'est entendu, mais si tu veux manger ta soupe chaude, je te conseille de prendre ta hache et d'aller toi-même couper une bonne branche. Si c'est pas malheureux, bientôt on ne pourra plus corriger les enfants. Tiens, bois encore une larme, fit Zélie en lui remplissant le verre. Ça te réchauffera. L'hache est dans le fond de la voiture, je vais te la donner. Elle poussa son époux dehors et avant de sortir se retourna vers l'enfant. Toi, Chiffon, surveille le feu, arrange la table, je rapporterai les assiettes. Quand Perpignan et la belle bourbonnaise eurent disparu, que leurs cris de dispute s'éteignirent, Chiffon regarda l'homme, semblant hésiter, puis, tout à coup, prenant son parti, elle vint à lui, suppliante. « Monsieur, monsieur !» L'homme gardait la tête penchée, il cherchait encore à rappeler ses souvenirs. « Eh bien » fit-il un peu bourré à l'enfant. « Vous avez vu comme cet homme me bat ?»« Oui, que veux-tu ? C'est une brute. Quand vous serez parti, il se vengera sur moi de ce que vous avez arrêté son bras. C'est un malheur, mais je n'y peux rien. Aussi, monsieur, vous pouvez. Vous pouvez beaucoup. Tu ne veux pas, je suppose, que je reste ici toute ma vie pour arrêter son bâton. Non. Eh bien alors, sauvez-moi, monsieur, sauvez-moi. » L'homme sursauta. Hein ? Tu dis, mon petit, te sauver ? Oui, emmenez-moi avec vous. T'emmener, t'emmener. Ah non, par exemple. Je veux bien, mon pauvre, empêcher qu'on batte les enfants, mais je ne peux pas emmener tout ce qu'on frappe. Ah non, ah non. Chiffon joignit les mains. Si, monsieur, emmenez-moi. Je vous en prie, emmenez-moi. C'est impossible, mon pauvre gars, je ne peux pas. Je vous suivrai sur la route, par le soleil ou la neige. Je serai comme votre chien. Je n'ai jamais voulu de chien. J'ai toujours été seul dans ma forêt, et je mourrai seul dans quelque fossé perdu, comme un sanglier dans sa bauge. Chiffon se fit suppliante. Elle se rapprocha de l'homme à la casquette de drap, et de sa petite voix mouillée de larmes, elle lui dit « Écoutez-moi, monsieur. Vous avez bon cœur. Vous aurez pitié de moi. » Vous ne me laisserez pas dans cet enfer. Voyez mes membres, ils sont tout meurtris par les exercices barbares que cet homme me fait faire. Voyez ma tête, voyez mon corps. Voici la trace des coups qu'il me donne. Vous ne me laisserez pas tuer par ces misérables. Je ne peux pourtant pas te voler à tes parents. Cet homme n'est rien pour moi. J'en arrive à croire que ma grand-mère non plus n'est pas ma grand-mère, car elle ne me laisserait pas maltraiter ainsi. J'ai essayé plus d'une fois de m'échapper. Ils m'ont rattrapé. Oh, monsieur, ayez pitié. Doucement, l'enfant se laissa tomber à genoux devant l'homme. « Emmenez-moi, loin, loin, que mes bourreaux ne me reprennent pas. Vous me laissez, ils me feront mourir, ou je me donnerai moi-même la mort pour finir mon martyre. » L'homme voulut relever Chiffon. Doucement, il lui passait les mains sur la tête, la caressait affectueusement. « Voyons, mon petit, je ne puis t'emmener, c'est impossible. Tu ne sais pas qui je suis, ce que je suis. Je sais que vous êtes bon. » fit Chiffon, se débattant pour rester à genoux. Tu ne vois donc pas mes haillons, ma misère. Regardez les miens. Je suis un pauvre. Moi, je mendie. Je suis un vagabond, un cheminot, un sauvage qui ne peut vivre que dans les bois. Avec moi, mon petit, tu serais trop malheureux. Pas autant qu'avec ces gens. Je n'ai pas toujours du pain. Je suis habitué à avoir faim. Ici, on me nourrit de reste. Pendant qu'ils s'enivrent, on me fait travailler ou on me bat. Si je pleure, on me frappe encore plus. Tandis qu'avec vous, quand nous aurons froid, que nous aurons faim, vous aurez de bonnes paroles pour bercer ma peine, de bonnes caresses comme maintenant pour m'endormir. Du moins, vous ne me frapperez pas. Moi, frapper un enfant, moi, te frapper, moi !» Chiffon, le pressant, pleurait. « Alors emmenez-moi, je vous suivrai partout, toujours, je ne me plaindrai pas, jamais, emmenez-moi, emmenez-moi » Attendri maintenant, à demi vaincu, l'homme reprit. « Mais tu auras peur de moi, mon petit, vois donc comme je suis vieux, comme je suis laid. » Vous n'êtes pas vieux, puisque vous avez eu la force de me défendre contre cet homme. Vous n'êtes pas laid, puisque vous avez pitié de moi. Relève-toi, mon gars, relève-toi, fit l'homme ému, et l'attirant à lui. Alors, tu pourras rester avec moi, dit mon gars, tu pourrais t'habituer à moi. Oui, répondit Chiffon avec tendresse, et je vous aimerai. Tu m'aimeras, tu m'aimeras. comme un grand-père, comme un grand-père, moi, comme un grand-père, de tout mon cœur. » L'homme hésitant demanda à Chiffon, « Et tu pourrais, non, ce n'est pas possible, tu ne pourrais pas m'embrasser comme font les petits à leur grand-père. « Aussi, répondit vivement l'enfant, aussi, je ne sais pas bien, n'ayant jamais été que battu, comment les enfants embrassent leur grand-père, mais, puisque je t'aimerai bien, je le devinerai. » Gentiment, l'enfant, avec cette grâce de fillette qui, malgré ses rayons de garçonnet, trahissait en Chiffon Paulette, passa doucement ses bras autour du cou de l'homme et l'embrassa en disant « C'est-il comme ça ? Dis, bon papa !» L'homme se dégagea des bras de l'enfant et, tout frémissant, se parlant à lui-même, il dit, pendant que des larmes coulaient de ses yeux, « Baiser d'enfant ! Quel jour tu viens de faire luire en mon âme ! Baiser d'enfant ! Tu m'as transformé !» Comme sous un coup d'aile d'ange, le passé a fui, et l'avenir rose se lève. Baiser d'enfant, du miséreux, du cheminot, tu as fait un homme. Oui, me voilà redevenu un homme, puisque j'ai quelqu'un à défendre, un enfant à aimer, un enfant. J'ai un enfant à rendre heureux. Eh bien, grand-père, demanda anxieusement Chiffon. Brusquement, il prit Chiffon par la main. Mon gars, viens, partons. Oh, merci. L'homme entraîna l'enfant vers la porte. Mais comme il ouvrait cette porte, une rafale de neige entra et les fit reculer. « Oh !» s'écria l'homme avec effroi. « Est-ce que je ne te mène pas à la mort ?»« Non, grand-père, partons, que Dieu nous protège !» Chiffon se signa pieusement en disant « Que celui qui veille sur les malheureux nous vienne en aide !»« Oui !» s'écria l'homme, « Oui, que Dieu nous protège !» Et il entraîna Chiffon, il se jeta avec elle dans le tourbillon de neige, dans la rafale qui emplissait de ses hurlements la forêt immense. Où Jean-Cœur et la belle Bourbonnaise rentrèrent peu après le départ de l'homme et de Chiffon. La belle Bourbonnaise était allée aider son illustre époux à faire du bois. Le banquiste rentra suffisamment chargé de combustible. « Oh » fit-il en se secouant. « Il en tombe de la neige, il en tombe. Je suis tout gelé. Quel froid !»« Ce n'est pas le moment, mon vieux cheminot, de cheminer. » Il jeta le bois près du foyer où fumait la marmite et dit « Je bois un coup pour me réchauffer. »« Oui. » appuya la belle Bourbonnaise. « Il faut prendre du calorique. » À ce moment, Bouchancœur s'aperçut de l'absence du cheminot. « Tiens » fit-il surpris. « Il a disparu. »« Ah, tant mieux. » »« Il ne m'a pas reconnu, mais il a vu que moi je le reconnaissais. »« Zélie, dis Zélie, sais-tu qui c'est ?»« Non, ma foi. » »« Le père Gervais. » La belle Bourbonnaise sursauta. « Le braconnier qui ?»« Le père Gervais lui-même l'a quitté. » »« Tu es sûr qu'il ne nous a pas reconnus ?»« Parbleu. » Ah, il est parti, mais c'est la mort qu'il va chercher par un temps pareil. » Puis, ayant avalé un dernier verre d'eau-de-vie de calorique, il dit à son épouse, « Maintenant, activons la soupe. » Et il appela, « Chiffon, hop, nous avons un petit compte à régler. » Mais il appela en vain. Chiffon ne répondit pas, alors Bouchancœur se doutant de la réalité. « Ça y est, il nous l'a volé. » « Qui volé ?»« Chiffon. » « Volé Chiffon ?»« Parbleu !» Il connaît toute l'histoire, il nous a reconnus, toi et moi, il a deviné en toi la paysanne de la tilleuse, et en Chiffon la fillette sauvée du feu, et maintenant il court vendre Paulette à Clouteau ou à la mer. Il nous a volé notre bien, notre prime, notre fortune, il nous a volé la canaille, mais il ne doit pas être loin. Donne-moi ma hache, que je le trouve seulement. » Furieux, excité par l'alcool, comme un fou, Bouchancœur, brandissant sa hache et hurlant, des menaces de mort dans la tempête, s'élança dans la forêt à la poursuite du père Gervais et de Chiffon la jolie Paulette.